Michael Landolt, donc qui est ingénieur d'études donc au service régional de l'archéologie à Drac-Lorraine, donc un archéologue qui nous fait basculer chronologiquement presque en même temps ou un tout petit peu plus tard et dans un autre contexte nettement moins drôle, évidemment. Sauf l'image, oui. Sauf l'image, oui, bah, je suis désolé. Donc je cède la parole. Bonjour à ceux que je n'ai pas salués. Donc un petit bond dans le temps, on va parler un petit peu de la Première Guerre mondiale. Et donc je parle au nom d'un, vous avez vu sur le programme une personne, mais c'est un travail collectif qui dure depuis un certain nombre d'années. On va faire un bond dans la future grande région, puisqu'on va parler de Calsaciens, excusez-moi, Cachampenois, mais aussi de Calorins. L'objectif de cette présentation, c'est un peu de montrer des problématiques qu'on pourrait développer en Lorraine, qui commencent à se développer, et on est vraiment au début d'une recherche. Je vais essayer de vous présenter ces thématiques. Donc, des collègues lorrains, vous avez vu, je pense aussi à Denis Mélinger, que certains connaissent, qui est dans la Meuse, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, collègue archéozoologue, collègue parasitologue. Vous allez voir, on va aborder différentes thématiques. Alors, je vous ai mis quand même, pour commencer, une petite carte de la Première Guerre mondiale pour vous montrer qu'on a un champ d'études géographique qui est très, très grand, hein, plusieurs centaines de kilomètres de front avec un front qui se développe sur des centaines de kilomètres à l'intérieur. Il n'y a pas que la ligne de combat, il y a des lignes. On a vu ça dans la dernière table ronde du comité à Saint-Mihiel. Je vous passe les détails pour vous parler donc de cette archéologie de la nourriture. Quand on parle d'archéologie, on fouille les poubelles de l'histoire et on est souvent habitué à étudier l'alimentation à travers les âges, pour le néolithique, la préhistoire, l'époque romaine médiévale. Et l'archéologie de la Grande Guerre s'était consacrée essentiellement à l'archéologie funéraire. Elle est née en Lorraine, certains sont dans cette salle, qui ont participé à la création de cette discipline. On a beaucoup travaillé sur le funéraire. Et depuis quelques années, une nouvelle thématique s'est développée sur l'alimentation du soldat. C'est né en 2008, essentiellement à travers un travail universitaire de Franck Lejean, qui a travaillé avec Stéphane Audouin-Rousseau, qui a commencé à travailler sur ces restes qu'on retrouve sur le champ de bataille, d'objets liés à l'alimentation, et essayer de savoir un petit peu ce qu'on pouvait en tirer. Suite à ça, plusieurs articles. Je parlerai aussi d'un colloque d'historien qui est, je trouve, peu connu, que j'ai découvert récemment, en 2009, hein, un colloque du réseau donc des historiens qui travaillent sur l'histoire de l'alimentation, qui avait travaillé sur l'alimentation pendant la guerre. Le colloque de 2009, dont je vous ai mis Food and War in 20, excusez mon anglais, Century Europe. Et en 2010, à Sarreguemines, une table ronde, on a commencé un petit peu, des chercheurs de toute la France, à développer des thèmes, des thématiques liées à l'alimentation. Et quelques publications que vous connaissez, Vestiges de guerre en Lorraine, coordonnées par Jean-Pierre Legendre et Stéphanie Jacquemot dans la salle, qui développent ces thèmes. Une expo à Strasbourg en 2013, on a beaucoup développé ces thématiques, et un livre qui va sortir en 2016, qui est le résultat d'un colloque qui a eu lieu à Dijon en 2014 sur manger et boire, qui va être une première synthèse un peu avec des historiens, des archéologues, différents spécialistes sur la thématique de l'alimentation. Notre sujet d'étude va être vraiment travailler à partir des poubelles, hein, les poubelles de l'histoire. Nous, un archéologue, on fouille ces poubelles. Et la question que je m'étais posée, mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets sur le champ de bataille? Alors, la première possibilité, c'est de les jeter par-dessus la tranchée, comme sur cette petite image. Vous voyez les soldats britanniques qui jettent hop, au-dessus. Et vous imaginez, en plusieurs années de combat, avec le front qui va rester assez stable, les problèmes que ça va pouvoir poser d'amoncellement de détritus, les problèmes d'hygiène, les problèmes de santé des soldats. Donc tout ça, ça va être falloir l'organiser et créer une rationalisation un petit peu de cette gestion des déchets. Alors on va, première méthode pour éliminer ces déchets, ça va être la création de dépotoirs. Quelques images ici à la frontière, on est presque en Lorraine, on est à 100 mètres de la frontière Lorraine, on est à Sainte-Marie-aux-Mines, au niveau du col, bientôt dans l'Alca, bien entendu. Vous voyez, on croirait une image d'art contemporain, un petit peu donc des trous qui ont été creusés, on a jeté différents vestiges liés à l'alimentation. Parfois des structures qui sont réutilisées par le soldat. Là, vous avez des fonds de cabane hein, que les médiévistes connaissent, des excavations rectangulaires, des habitations semi-excavées qui ont servi de dépotoirs après utilisation, ou des trous d'obus, comme vous voyez en bas, un énorme trou d'obus qui sert à rejeter tous ces déchets. Une citation que j'aime beaucoup, hein, de Junger, qui nous parle d'un de ces dépotoirs, en plus en Lorraine, hein, on est tout près du Bois-le-Prêtre, où Junger nous parle qu'il va, d'une façon poétique, déposer des bouteilles sur un tas, petite description d'un dépotoir, pour vous indiquer aussi que va se mettre en place tout un système de panneaux indicateurs sur le front. Vous avez un cas ici d'un panneau, je ne sais pas si vous arrivez à lire, Mulgroup, donc la poubelle, le trou poubelle de la deuxième Zug, deuxième section. Hein, donc, vous voyez, des panneaux indicateurs qui vont localiser l'emplacement des différentes poubelles avec parfois une sélection poubelle à papier, poubelle à métal, poubelle à verre. On en parlera peut-être un petit peu après dans l'explication. Alors aussi, je m'excuse un petit peu, j'aurais dû le dire en introduction, on va beaucoup parler d'allemand. Pourquoi ? Parce que les archéologues, le hasard des découvertes, l'histoire de la recherche fait qu'on a beaucoup plus travaillé sur le belligérant allemand par rapport aux Français. C'est un petit peu un biais lié à l'histoire de la recherche. Autre possibilité, brûler les déchets. Là, vous avez deux beaux cas en Alsace et en Champagne, en haut, d'incinérateurs pour brûler les différents déchets alimentaires. Alors parfois, il y a des. Bon, le cas de Metzeral, c'est mal interprété, ou d'endroits où on brûlait les corps. Il y a des théories complètement fantasques qui apparaissent parce qu'on retrouve des os brûlés, mais des os animaux en fait qui ont été brûlés. Dans le nord de la France, on voit aussi des incinérateurs britanniques. Vous voyez, c'est des tas d'immondices. C'est impressionnant. Vous imaginez des milliers d'hommes combattent, ça produit des déchets, on n'y pense pas, mais il faut les gérer. Et on retrouve parfois sur les fouilles des fosses d'incinération. Enfin, tout ce recyclage dont j'abordais la question tout à l'heure, qui va se mettre en place, recyclage du métal, recyclage des boîtes de conserve. Vous avez en bas à droite, on ne voit pas très bien, recyclage des chapeaux canadiens ou américains. Hein. Il y a en feutre qui sont récupérés. Recyclage des ossements en bas, recyclage des casques à pointe en haut à gauche. On démonte le casque à pointe quand on remplace par le casque métallique, le fer d'un côté, le carton de l'autre, le laiton d'un autre côté. Et nous, archéologues, l'image en bas, il n'y a pas de pointeur, si, il y en a un. Voilà, donc, nous, quand on fouille une de ces poubelles, on a donc un biais documentaire. Cette poubelle est liée à une utilisation des gens qui ont mangé, mais on ne retrouve pas tout ce qui a été incinéré, tout ce qui a été recyclé, tout ce qui a été réutilisé. Donc on a une petite part de ce qui a été utilisé. Alors, ça nous fait réfléchir, nous, archéologues, sur les périodes plus anciennes. Parce qu'on a tendance à oublier qu'on n'a pas tout dans nos poubelles. Il y a une partie qui n'existe pas. Mais là, grâce à la Première Guerre mondiale, on a d'autres sources, d'autres documents d'archives qui permettent de connaître un petit peu ce qui nous manque. Et ces objets liés à l'alimentation, ils sont arrivés de plusieurs manières. Soit par l'intendance, ce que l'armée fournit aux soldats, soit ce que le soldat va acheter dans des boutiques avec sa solde, ce que le soldat va recevoir dans des colis, ce que le soldat va récupérer dans les maisons abandonnées ou évacuées du front, et parfois volées, et ce que le soldat va produire lui-même. On abordera ces questions de la production, de l'autosuffisance du soldat. Et tout ça va s'entremêler, il va falloir essayer de savoir ce qui est anecdotique de ce qui est un fait général. Et là, pour l'instant, on n'y est pas encore, on est point de vue archéologique, mais c'est vraiment ces questions qu'il faut se poser pour chaque étude. Alors, on va parler de quelques types d'objets. On va parler de quelques exemples d'objets liés à l'alimentation. Donc des objets qui sont dans différents matériaux, hein, en céramique, en verre, beaucoup en verre, bien entendu, en métal, et des fragments liés à d'aliments, des fragments d'aliments, les ossements d'animaux, les graines, on ne les a pas encore étudiés. Je m'excuse pour mon collègue qui aurait pu poser une question après, on n'en a pas fait d'études carpologiques encore sur la Première Guerre mondiale. Donc tous ces fragments mélangés qu'il va falloir étudier. Alors, un des premiers types d'objets qu'on retrouve énormément sur les côtés allemands, je vais parler côté allemand, excusez-moi encore, c'est la bouteille d'eau minérale qui est très importante. Le soldat doit boire sur le front et pour des raisons d'hygiène, il est interdit dans les manuels militaires de boire l'eau croupie dans un trou, de boire l'eau d'une rivière pour des questions d'hygiène. Bien entendu, vous savez, on ne sait pas si l'eau est potable. Et en temps normal, le soldat boit de l'eau en bouteille. Côté allemand, c'est quelque chose qui est très répandu déjà à cette époque. L'Allemagne étant le plus grand producteur d'eau minérale au monde, il exporte l'eau minérale en 1914 dans le monde entier, Et ce qui est très intéressant, c'est de voir, et on le voit à travers l'archéologie, qu'il y a un changement au niveau des contenants. Le contenant traditionnel de l'eau minérale, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, c'est la bouteille en grès. Vous voyez là, ce qu'on appelle des fois bouteille de schnapps, abusivement, par exemple en Moselle ou en Alsace. C'est des bouteilles qui sont apparues au 18e siècle, hein, déjà. On connaît dans les pays rhénans, qui sont consignées, où l'eau était conservée. Et avec la Première Guerre mondiale, on a des textes qui nous le parlent, les hygiénistes allemands vont influencer, vont demander à passer à la bouteille en verre. Alors là, vous avez une publicité de 1913 d'un vendeur d'eau minérale. Vous voyez, il y a encore des bouteilles en grès. Hein. On a une, deux, trois bouteilles en grès, le reste, c'est des bouteilles en verre. Et avec la guerre, les hygiénistes disent, mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, il faut voir à l'intérieur, il faut qu'on puisse voir par transparence. De plus, la bouteille est consignée pour la nettoyer. Une bouteille en grès, c'est très complexe à nettoyer. De plus, le grès est fait avec du sel. L'eau a un goût salé. Et on voit très bien dans les dépotoirs que la bouteille en grès va de plus ou moins disparaître avec le temps face à la bouteille en verre. Et après la Première Guerre mondiale, les producteurs d'eau minérale n'utilisent plus de bouteilles en grès. Je vous passe les problèmes de capsules, de fermetures, qui vont aussi... La Première Guerre mondiale va faire arrêter certains systèmes qui n'étaient pas encore au point. Hein, des systèmes, vous voyez là, c'est pas de la bakélite, c'est une sorte de résine qui se tourne pour fermer. Et la Première Guerre mondiale va semer l'arrêt de ces systèmes vis-à-vis des systèmes à levier qu'on connaît pour les bouteilles de limonade, par exemple, dans la région. Ces bouteilles en grès ne servent pas qu'à l'eau minérale, elles servent aussi à deux autres types de contenants. Alors là, il faut faire aussi attention. Parfois aussi de la genièvre, une boisson allemande, le Steinhager, hein, que vous voyez ici, mais aussi des gaz lacrymogènes sur celle-là, qui ont posé des problèmes sur le front, parce qu'on a des témoignages de soldats qui vont vouloir boire de l'eau et qui, en fait, boivent du liquide lacrymogène, donc des problèmes de santé dans les tranchées. Récemment, un problème qui a eu lieu à Colline-Beaumont, dans le nord de la France, hein, où des enfants ont récupéré des bouteilles de ce type, les ont ouvertes, et il y a eu des accidents, c'est très récent, ça a 2 ans. Je vous ai mis la carte de l'Allemagne en 1914, de toutes les usines et les sources d'eau minérale en Allemagne, avec cette concentration, bien entendu, hein, dans la partie rhénane, dans le Rhin moyen. Et à partir donc des capsules, on peut, et des marques, on peut essayer de voir un peu la provenance de ces différentes eaux et étudier un petit peu les circuits de diffusion de ces différentes boissons. Sur cette image, les sodas, aussi énormément de sodas par le soldat. Je vous ai mis 3 exemples. Le Sinalco, qui est une sorte d'orangina. Le Chabesso, qui est une sorte de boisson, la spécialité suisse, c'est Rivella, voilà. C'est à base de lait. En fait, c'est l'acide lactique qui a été isolé. Et on diluait cette boisson soit dans du vin, dans de la limonade. C'était censé donner une espérance de vie plus élevée parce que les hygiénistes et les médecins allemands avaient étudié la durée de vie des populations européennes. Ils s'étaient rendu compte que les Bulgares, les Grecs, les Crétois vivaient plus longtemps avec une alimentation qui était à base de lait, de fromage. Et ils ont donc isolé l'acide lactique pour en faire une boisson vitalisante. Et voilà, donc quelques publicités. Et un autre contenant pour liquide, qui est la bouteille à billes. Alors là, qui est assez intéressant. Je pense que dans cette salle, il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas encore l'existence de cette bouteille, qui est une bouteille avec un renflement, vous voyez ici au niveau du col, un très grand renflement, et qui possède une bille qui sert en fait de bouchon. Cette bille est maintenue par un joint en caoutchouc, et la boisson qui est à l'intérieur était gazeuse, eau minérale gazeuse, limonade. Et avec la pression du liquide, la bille restait en position haute. Pour l'ouvrir, vous appuyez, vous pouvez ensuite boire. Et c'est utilisation unique. Si vous voulez, quand on a ouvert la bouteille, on ne peut plus la refermer. Au niveau de la quantité, c'est l'équivalent d'une canette de coca au niveau d'une petite canette métallique au niveau de la quantité, c'est pour une utilisation unique. Alors c'est les bouteilles qui sont consignées, l'habit donc reste dans le renflement et grâce, vous allez voir sur la photo suivante, grâce à un ergot, l'habit reste en fait, quand on verse, elle reste donc bloquée et le contenu du liquide peut donc descendre. C'est une bouteille qui a été inventée par, intéressant quand on regarde d'un point de vue de l'histoire de cette bouteille, en 1864 par deux personnes, hein, un certain Edward Hamilton et Henri Goodyear des pneus. Hein, c'est le frère de celui qui a créé les pneus. Et la bille était en fait en caoutchouc à l'époque, à l'origine. Et les Britanniques, dans les années 1870-72, on ne sait pas très bien, un certain monsieur Codd a eu l'idée de la remplacer par une bille en verre. Et c'est donc à partir de ces années-là que la bouteille à billes est arrivée en Europe et va disparaître dans les années 30 environ. Cette bouteille existe encore dans quelques pays. Là, on a un cas en Chine, hein, c'est le Ramun. Chine, au Japon, pardon, c'est le Ramun. Et en Inde, c'est le Banta que vous avez sous les yeux. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve ce contenant en grande quantité dans les tranchées allemandes, mais on ne le retrouve pas sur les photographies. Alors là, c'est extrêmement intéressant, c'est de voir le décalage entre l'archéologie, ce qu'on trouve sur le terrain, ce qu'on, les sources matérielles et les sources archivistiques. On a beaucoup travaillé sur l'iconographie, sur les photos, et je connais à l'heure actuelle peut-être 3 photos de la Première Guerre mondiale où on voit des soldats avec ce type de contenant. Alors on voit très mal, mais vous imaginez, là vous voyez, ils ont des bouteilles à billes hein, dans leurs mains. Sur la suivante, vous verrez mieux, hein, carrément une livraison de bouteilles à billes. C'est un peu mis en scène pour la photo, avec limonade, hein, vous voyez, limonade sur la photo. Je vous prends aussi, il y a un témoignage aussi en Champagne, en 1917, où un soldat français découvre, ça existait en France la bouteille en billes, mais moins qu'en Allemagne, et un soldat français découvre, dans un tunnel qui vient d'être attaqué par l'armée française, il découvre un soldat blessé allemand qui a soif, et il lui offre, je vous laisse lire la citation, il presse sur la bouteille, et il peut servir à boire à cet Allemand. Je prends pas la. Côté britannique, ces bouteilles à billes existent aussi, et elles sont très souvent personnalisées aux armes des régiments et des divisions. Vous voyez, la 9e division britannique, là, c'est, je ne sais plus quel régiment avait le chardon comme emblème. Donc, toute une signification militaire côté britannique qui n'existe pas côté allemand. Important aussi côté allemand, c'est l'embouteillage par l'armée. Alors là, c'est un cas lorrain, Provencher, hein, vous connaissez donc dans les Vosges. Les Allemands vont s'installer à Provencher. Pendant toute la guerre, ils vont être présents à Provencher. Et à l'emplacement d'une entreprise d'embouteillage, l'armée va prendre en main cette entreprise et va embouteiller avec ses propres capsules. Hein, vous voyez ici, Ersatzbrigade, Ortskommando, Provencher. À travers, donc, pour ces contenants, pour ces bouteilles, des études, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sur les provenances. Donc là, je vous ai pris, c'est un cas alsacien, c'est Karspach, cette galerie que j'avais pu fouiller à la frontière suisse près d'Alkirch, où on a essayé de retravailler un peu sur les provenances de ces différentes boissons, surtout des bières. Hein. Vous pouvez voir qu'on a vraiment des boissons qui viennent parfois d'assez loin. Alors là, ça pose une question sur... quand on prend argent comptant, ce qui a marqué sur la capsule ou sur l'inscription de la bouteille, est-ce qu'on peut toujours considérer que ce qui est marqué sur la bouteille correspond à ce qu'il y a eu à l'intérieur ? Alors, on a un cas en Lorraine qui est très intéressant, c'est la découverte de bouteilles à billes ou de bouteilles de bière avec des inscriptions en portugais, en espagnol ou même parfois en anglais, qui font allusion à des villes lointaines, Lima, Bahia au Brésil, L'Assomption au Paraguay, Maracaibo au Venezuela, Caracas au Venezuela, et c'est des bouteilles qui sont retrouvées dans des positions allemandes de 1917-1918, hein, au Bolle-Prête par exemple. Et la question était de savoir, mais que viennent faire ces bouteilles dans des positions allemandes ? Quand on compare les lieux indiqués sur les bouteilles avec les colonies économiques, hein, ce n'est pas des colonies politiques, mais des colonies économiques, en Amérique latine, ça correspond exactement là où les Allemands étaient présents depuis le 19e siècle pour des grandes exploitations agricoles hein, dans ces régions-là. Et comment imaginer que des bouteilles aient pu parcourir des distance aussi importante, surtout avec un blocus hein, avec la Première Guerre mondiale, l'entrée en guerre des États-Unis, impossible de faire venir un bateau du Brésil vers l'Allemagne. Et donc l'interprétation qu'on en fait est assez simple, c'est que les Allemands qui avaient implanté des colonies agricoles avaient aussi implanté des usines d'eau minérale, de bière dans ces pays. Et il n'y avait pas de verrerie dans ces pays. Et donc les Allemands commandaient en Allemagne, chez les verriers allemands, des bouteilles personnalisées qui venaient en Amérique latine, qui étaient remplies en Amérique latine et vendues en Amérique latine. Avec le blocus et la guerre, l'Allemagne n'a pu plus exporter ces bouteilles. Et au lieu de les jeter, avec les problèmes d'approvisionnement, de pénurie de verre, ils ont utilisé des bouteilles destinées à l'exportation. Donc ces bouteilles n'ont jamais été de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai mis quelques images qui font un peu rêver sur Venezuela, vous voyez un village alsacien au Venezuela. Pozuzo au Pérou, on parle encore allemand, hein, c'est le site de la commune, c'est tout en allemand. Pareil pour des bouteilles britanniques d'Afrique du Sud, qui font même problème. Hein. Avant la guerre, les Allemands vendaient des bouteilles aux Britanniques. Avec la guerre, naturellement, ils ont arrêté de faire ces exportations. Mais les Britanniques ont construit une verrerie en 1917 pour pallier à cette pénurie. Autre type de contenant, là on va parler de la moutarde, qui est un sujet aussi qui est assez passionnant, de verres à moutarde qui sont très courants dans les positions allemandes. Voilà quelques typologies. Vous voyez que parfois ça prend des formes intéressantes, petites chopes à bière, des petits, des grands. Je les ai classés un peu par forme, les non décorés, les décorations géométriques, décorations un peu complexes, granuleux, végétaux, et parfois ici des décors patriotiques, l'empereur, le kaiser, voilà, c'est la même chose, Hindenburg, des généraux, des devises, God be tunes, des croix de fer, une très très grosse figuration patriotique. Quand le soldat mange, il voit pourquoi il combat. Chose qui existe encore hein, de nos jours, hein, ça n'a pas été inventé, ça n'a pas disparu, mais la capsule effectivement était en métal, hein, j'ai oublié de vous le dire, maintenant elle est en plastique, parfois en Allemagne encore en métal. Et ce qui est intéressant, c'est de travailler sur les provenances de ces verres qui sont faits en verre moulé. Hein, c'est le presse-glace en allemand. Dans une presse, le verre est piqué et ensuite pressé. Et vous avez sur cette carte, en 1914, les différentes usines de production de ces verres moulés, essentiellement effectivement en Alsace-Lorraine, Sarre, en Saxe, hein, autour de la frontière tchèque, bien entendu. Hein, c'est tout le cristal de Tchéquie, le verre de cette région, un petit peu en Rhénanie et une usine à Berlin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir dans les catalogues et trouver donc les provenances pour l'usine de production de ces différents verres. Ça devient un peu compliqué parfois parce que les usines se sont copiées. Il y a eu du surmoulage, il y a eu du copiage. Parfois, on ne peut pas identifier le lieu de provenance. Par rapport à la capsule, on peut savoir la provenance du contenu, hein, de la moutarde en elle-même, hein, qui ne vient pas du même endroit. On a des productions qui sont essentiellement autour d'en Rhénanie, autour de Düsseldorf et à Metz. Hein, il y avait des grandes usines de moutarde qui se trouvaient en Moselle à cette époque-là. Pareil que pour la bouteille à billes, très peu représentée sur les photographies. On retrouve ça en quantité astronomique sur les fouilles, mais sur les photos, c'est très rare. Vous en avez un ici, on a quelques-uns par là, un ici. Une petite publicité sur un timbre, à l'époque ça se faisait beaucoup, timbre publicitaire allemand. Vous voyez un homme qui est en train de tremper une saucisse dans la moutarde, avec le même modèle qu'on retrouve sur une fouille archéologique. Et au-delà de ces verres à moutarde, on retrouve aussi des tasses à moutarde qui sont en porcelaine. Voilà, donc même type de problématique, avec qui existe encore en Allemagne. Hein. Vous avez Bautzner, un des grands producteurs allemands, qui fait à Noël encore des tasses à moutarde, qui présente des décors patriotiques extraordinaires, l'empereur Guillaume II avec François-Joseph, des scènes Hansel et Gretel, des scènes de mythes et légendes, des devises patriotiques, les costumes et tenues traditionnelles des différentes régions d'Allemagne. Et ce qui est très intéressant, c'est de travailler sur la provenance de lieux de fabrication de ces tasses. À l'heure actuelle, on ne connaît qu'une marque, hein, cette marque que vous voyez là, qui est reproduite ici, DPV75. Et on a eu du mal à identifier cette marque, mais il s'avère qu'il s'agit en fait de l'union des manufactures allemandes de porcelaine pour la promotion de l'industrie de la porcelaine qui a existé entre 1900 et 1912. Si vous voulez, il y a eu une crise économique en Allemagne, il y avait tellement de producteurs de porcelaine que les entreprises ont failli faire faillite. Et un certain Rosenthal, de la porcelaine Rosenthal, a eu l'idée de créer un consortium, partager l'Allemagne en zones, chacun vend là où il, dans le secteur qu'il concerne, et les prix ont été harmonisés à l'échelle de tout l'Empire. Entre 1900 et 1912, 90% des entreprises se sont mises dans ce consortium, et ça a duré 1900 à 1912. Et les usines n'ont plus produit avec leur propre marque, elles ont produit avec une marque commune, DVP, avec un 60 numéro qui correspondait à l'usine. Chaque usine, Sargumine faisait partie, avait un numéro, et 75 correspondait à Zwickau, l'usine en Saxe, qui a fait la Trabant. Hein, c'est connu pour la Trabant pendant la guerre froide. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on retrouve des décors datés 1914, 1915, 1916, sur des tasses dont la marque ne peut pas avoir été faite après 1912. Comment est-ce possible? Tout simplement, les tasses étaient produites sans décor, en quantité importante, et en fonction des commandes, les revendeurs impliquaient le décor en fonction des commandes. Et des stocks de tasses d'avant la guerre, blanches, étaient encore présents dans les usines allemandes, et quand l'armée commandait par exemple 2500 tasses avec marqué 1915 Argonne, ils les produisaient pour la commande. D'où ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir qu'on a des tasses qui ne sont pas fabriquées en même temps que le décor, il y a un décalage. Ça, je trouve ça assez étonnant de voir ces phénomènes de double datation de l'objet. Tasses qu'on voit très peu sur les photos aussi, hein, quelques rares cas, vous avez ici. Et parlons un petit peu de l'alcool, parce qu'on va visiter la brasserie. Mm-hmm. Comment on va visiter la brasserie, c'était pour faire un peu le lien. On retrouve aussi énormément de fioles individuelles pour mettre l'alcool, avec des décors de mythes, de légendes aussi, et de vices patriotiques. Hein. Ça rentre dans la poche. Et on en connaît les catalogues, j'avance un peu, ça c'est pas très important. Parler de quel alcool était mis à l'intérieur, on a toute une série d'alcools régionaux qu'on retrouve dans les tranchées. Je vous ai mis différents cas avec les pastilles de couleur qui vous indiquent la provenance. Je vais vous parler du Goldwasser, qui est en fait une sorte de en Pologne c'est la vodka, une sorte de vodka avec des paillettes d'or à l'intérieur qu'on mélange et qu'on secoue, ça existe encore, qu'on boit, on boit l'or, hein. Qui est typique de Danzig ou de sorte de boisson de Heidelberg à base de on appelle ça de myrtille. Côté récipient métallique, énormément de boîtes de conserve. L'avancée de la boîte de conserve avec la Première Guerre mondiale, je vais avancer un petit peu sur un sujet plus intéressant et parler de la viande. Où là, je vous ai mis deux cas extrêmement intéressants pour voir la. On peut comparer un petit peu, je vous ai dit, on ne parlera pas des Français, mais on va en parler un petit peu. Deux sites qui ont été fouillés, à peu près à 2 km l'un de l'autre. D'un côté, on est côté français, ici, et de ce côté-là, on est côté allemand. Alors, je vous explique comment lire ce type de dessin. En fait, en gris, c'est ce qu'on a retrouvé lors des fouilles archéologiques. Hein. Donc, tous les ossements qu'on retrouve sont grisés, et ce qui est en blanc, c'est ce qu'on ne retrouve pas. Donc, par exemple, côté français, on ne retrouve pas les bas de pattes sur le bœuf, on ne retrouve pas la tête, on ne retrouve pas la queue. Côté allemand, on retrouve la totalité de l'animal. L'animal a été coupé de la tête aux pieds, tout s'y retrouve en petits tronçons très standardisés. Côté français, on a une découpe beaucoup plus fine, beaucoup plus, structurée, où on ne retrouve que les parties bonnes de l'animal. On est en 1918, des deux côtés, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit côté allemand, les Allemands souffrent, il y a des gros problèmes d'approvisionnement en viande, et tout l'animal va y passer. Tout l'animal va y passer, tout va être découpé, et les graisses, la moelle qui se trouve dans les os, va se diluer avec la nourriture, et on va avoir une alimentation qui est finalement beaucoup plus riche que côté français. Alors c'est des choses qu'on connaît par les textes, hein. Les Allemands ont eu des très gros problèmes de pénurie à la fin de la guerre, et là, à travers l'archéologie, on arrive aussi à le voir. L'autosubsistance alimentaire, un œuf factice pour faire pondre la poule, hein, vous connaissez, ou dans les fermes. Hein. Donc les Allemands vont encourager les poulaillers sur le front, les clapiers, vous avez ici un clapier, ici des lièvres qui ont été des élevages qui permettent aux soldats d'avoir une autosubsistance alimentaire. Cas intéressant aussi que j'avais trouvé dans un dépotoir, le cas d'une chèvre qui était quasiment complète. Si elle n'est pas complète, c'est pour les raisons, j'ai fouillé ça d'une manière assez rapide, malheureusement. Et cette chèvre n'a pas été mangée, n'a pas été volontairement tuée. Et la question qui se posait, c'est pourquoi une chèvre dans les tranchées allemandes de première ligne? Trois hypothèses, une mascotte. Je ne pense pas, et notre archéologue non plus, parce que c'est une espèce qui a disparu, qui est la chèvre d'Alsace. Chèvre d'Alsace que personne n'a jamais vue, qui est décrite une ou deux fois dans les textes, qui n'avait pas de cornes. Et les mascottes de régiments sont plutôt viriles, plutôt avec des belles cornes. Dans ce cas-là, elle ne l'est pas. Deuxième, l'hypothèse que j'en fais, c'est aussi de l'autosubsistance alimentaire. Avoir une chèvre dans les tranchées, avoir du lait, c'est plus facile que d'avoir une vache, bien entendu, surtout en milieu. Là, on est dans le sud de l'Alsace, le front est assez calme. Et l'animal aurait pu mourir dans un bombardement ou dans un cas comme ça, là, et n'aurait pas été consommé. Cas, on ne parle pas d'anthropophagie hein, dans ce colloque, mais on va parler de cynophagie. Ça, je pense que ça me paraissait intéressant d'aborder. Découverte dans un dépotoir allemand d'ossements de chiens qui ont été consommés, vraiment comme le porc, découpé de manière bouchère. Là-dessus, c'est très clair. Et ça permettait de travailler un petit peu sur jusqu'à quand a-t-on consommé du chien en Europe. Alors, vous allez me dire, on consomme du chien en Chine, dans les pays asiatiques de nos jours encore. Mais il y a un pays en Europe où on le consomme encore, c'est la Suisse. Canton d'Appenzell, on connaît le fromage, l'Appenzeller. Il y a la saucisse de chien qui se produit encore actuellement. Il y a des lobbies actuels de protection du chien qui veulent l'interdiction de la consommation du chien en Suisse. Et en Allemagne, en France, dernière boucherie canine, elle ferme en 1945. Vous avez la photo, ça c'est une photo en 1930 à Paris. Grande boucherie canine, alors c'est pas de la nourriture pour les chiens. Parce que maintenant, on fait des boucheries, j'ai découvert ça pour les chiens. Là, c'est vraiment une boucherie où on vendait du chien hein, à Paris. Et ce texte en Allemagne d'un ethnologue qui va en Saxe, et qui découvre en 1913, hein, je crois que c'est 1913 ou 1910, pardon, qu'on y mange le chien, et c'est même mieux vu que manger du chien que de manger du cheval. Ce qui est intéressant, c'est que la poubelle est saxonne, et qu'en Saxe, on mange du chien dans les années 1910. Y a-t-il un lien culturel, ou est-ce que c'est anecdotique, ils n'avaient rien à manger, ils ont mangé du chien? Là-dessus, on peut tout imaginer. Je vous reprends la citation de Apollinaire, dans Alcool, qui cite qu'ils vont acheter un sandwich de chien. Je vais bientôt finir, ne t'inquiète pas. Parler un petit peu d'huîtres, hein, on va parler de la Première Guerre mondiale sans parler des huîtres, ça me paraissait important de le faire. On découvre aussi énormément d'huîtres dans les tranchées allemandes. Vous allez me dire, donc la guerre, c'était la fête tous les jours. Non, bien entendu, ces huîtres témoignent de pratiques sociales. On découvre des fêtes, des choses qui sont mélangées, des événements ponctuels qui sont mélangés au fait général de la nourriture. Et ces huîtres, très intéressantes à étudier parce qu'on a deux espèces d'huîtres, les huîtres plates et les huîtres creuses qui ont été retrouvées dans le même dépotoir allemand. Et quand on étudie la répartition de ces huîtres, je vous ai mis en rouge les huîtres plates, elles sont réparties à peu près sur toutes les côtes européennes. L'huître portugaise, par contre, sur l'Espagne, la France, les Pays-Bas, un petit peu, et un petit peu la Méditerranée, l'Allemagne n'avait pas accès, si vous voulez, aux huîtres creuses portugaise pendant la Première Guerre mondiale. Comment l'Allemagne pouvait-il se fournir en huître portugaise qui était produite essentiellement par la France? Tout simplement, la France vendait aux Pays-Bas des huîtres pendant la guerre, Pays-Bas qui étaient neutres et qui revendaient à l'Allemagne des huîtres. Alors, c'est très intéressant de voir que les ostréiculteurs français nourrissaient les soldats allemands pendant la Première Guerre mondiale. Il aurait suffi de mettre du cyanure dans les huîtres pour tuer tous les officiers de l'armée allemande. Mon plan machiavélique aurait peut-être marché. Et je vais finir avec ça quand même, excuse-moi. Parce qu'il y a un médecin dans la salle et c'est quand même je trouve extrêmement intéressant. Les études parasitologiques qui ont été menées sur des corps de soldats. Donc, si vous voulez, on analyse les sédiments dans le corps d'un soldat qui est décédé. Au niveau du bassin, on prend de la terre et on analyse les restes des œufs de parasites humains qu'on a dans notre corps. On retrouve les œufs. Et on a retrouvé, on retrouve le ténia, on retrouve naturellement les petites bêtes qu'on connaît bien, et on a retrouvé un parasite qui était inconnu chez l'homme jusqu'à présent, qui n'était décrit que chez les rats, chez certains rongeurs. Alors les spécialistes ont travaillé un petit peu sur la question, et l'hypothèse qui en est faite, ça n'avait jamais été décrit hein, médicalement, les hommes ont mangé de la nourriture infestée par des excréments de rats qui étaient donc infestés. Et vous connaissez tous ces témoignages hein, de rats qui pullulaient dans les tranchées, qui allaient se nourrir. On pense à Remarque que je vous ai mis là. Et donc, l'homme, on voit un petit peu des conséquences sur la santé des soldats qu'on n'aurait pas pu imaginer forcément. Et là, l'archéologie permet de l'apporter. Et donc, pour conclure, je voulais aussi rappeler, avant de remettre un peu les différentes problématiques, que des sites de la Première Guerre mondiale étaient aussi en danger dans la région. Hein, c'était aussi vous alerter sur le pillage très important qui est mené, on pense même à Bois-le-Prêtre, hein, pas très loin d'ici, c'est le cas, de gens qui viennent creuser, faire des fouilles qui sont interdites. Hein, je rappelle que c'est des fouilles qui sont soumises à autorisation et que la Première Guerre mondiale entre dans le champ de l'archéologie. Et tous ces objets qui sont sortis de leur contexte, qui sont parfois dans des musées dont on ne connaît pas la provenance, dans des collections privées, perdent tout leur sens, toutes leurs associations, toute la documentation qu'on pourrait tirer, toute la substance de ces objets, si on les sort sans documentation archéologique, ils ne valent quasiment plus rien dire. Et pour mener, là je vous ai présenté vraiment des petits cas, des petites anecdotes sur la nourriture, des petits thèmes à développer, ce qui est nécessaire maintenant pour essayer de voir des choses un peu plus historiques, faire des études un peu plus pointues, c'est vraiment de développer les fouilles méthodiques sur ces dépotoirs, en croisant la localisation, parce qu'en fonction du lieu, entre la tranchée de première ligne, le camp, la nourriture ne va pas être la même, bien entendu. En fonction du belligérant, comparer les Français, comparer les Allemands, comparer aussi les différents types de troupes, comparer aussi en fonction de la datation, entre le début de la guerre et la fin de la guerre. Et en quantifiant les choses, c'est très important. Nous, archéologues, on est habitués depuis quelques années sur les périodes plus anciennes, mais il faut quantifier, voir ce qui est anecdotique, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est général, pour essayer de voir, par exemple, c'est une petite... une chose un peu humoristique, voir est-ce que les soldats badois ont une nourriture différente du soldat wurtembergeois, du soldat bavarois, du soldat saxon. Et je vous remercie pour votre attention.